un jour de brume à Londres, les larmes se fondent avec la pluie, et des amours les plus sombres ne restent que des ombres endormies, car ces larmes sur tes joues n'ont pleuré que le départ, et tes yeux se sont séchés quand ils ont cessé de me voir. Oh, pleure-moi de belles images, pleure-moi un grand combat, pleure-moi un joli page qui me prendra dans ses bras. Ce fut ton départ de Londres, l'avion disparut dans le froid, et seul l'orage put répondre aux larmes que je gardais pour toi. Nous sommes restés immobiles, sans un geste, sans un mot, car toi tu quittais la ville, adieu nos belles nuits de sceaux. Pleure-moi de belles images, pleure-moi mer et tonnerre, sans toi c'est le grand naufrage, je ne sais vraiment que faire. C'est des jours de brume à Londres, il n'y avait que toi et moi, et si j'avais le cœur sombre, c'est que tu partais sans moi.